Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Il a reçu en 2015 le plus grand prix d'archéologie que nous ayons en France, décerné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour ses recherches sur l'origine, la genèse d'un vaste empire, un des plus puissants que le Maghreb n'ait jamais connu. Il a dû exhumer et lire les manuscrits arabes ou berbères, arpenter les cimes de l'anti-atlas, croiser données écrites et faits archéologiques, pour enfin découvrir, au sommet d'un piton rocheux, véritable nid d'aigle, un des hauts lieux de l'histoire du Maroc médiéval, point de départ d'une véritable doctrine religieuse et révolutionnaire, de l'épopée de dévots guerriers dont je ne savais rien encore, voici peu. Pour tout découvrir, Jean-Pierre Van Stavel, bonjour. Bonjour. Professeur à l'université de Paris-Sorbonne, où vous enseignez l'archéologie des pays d'islam. Vous êtes aussi sur le terrain co-directeur de la mission archéologique franco-marocaine d'Iguilise. Cette aventure, car il s'agit bien d'une aventure, débute pour vous en 2004 ? Oui, en effet, elle débute en 2004. Nos travaux de terrain, en tout cas, nos prospections débutent en 2004. Bien sûr, ce travail a été précédé par une longue enquête dans les textes qui nous a permis de commencer à préciser la localisation du site. Et en 2004, nous passons aux travaux pratiques. Nous prospectons donc dans les vallées de l'anti-atlas. Et grâce à la conjonction des données fournies par les textes, la cartographie et surtout une enquête orale qui nous permet de préciser toute une série de toponymes, nous parvenons à localiser le site d'Iguilise que l'historiographie officielle considérait comme perdu. Donc la mémoire du lieu était encore présente dans les sources orales, dans la population berbère ? Ah, c'était très impressionnant, effectivement. À mesure que nous nous enfoncions dans l'une de ces vallées qui découpe l'anti-atlas, le piémont septentrional de l'anti-atlas, non loin de Taroudant, pour les personnes qui connaissent cette région du sud marocain, les populations, effectivement, nous indiquaient le lieu de la montagne, Iguilise. Le nom étant connu et les toponymes, maintenant, finalement, le souvenir, la mémoire de cette puissante tribu de l'époque médiévale. Iguilise, c'est une sorte de python. D'ailleurs, cela signifie python. Oui, en berbère, c'est le terme qui désigne le python, le relief isolé. Et la montagne d'Iguilise correspond tout à fait à ce terme. Comment se présente ce site qui est absolument perdu ? Alors c'est un site qui se trouve donc à une soixantaine de kilomètres à l'est de Taroudant, dans la montagne donc de l'Anti-Atlas, à une altitude de 1350 mètres d'altitude. C'est un piton rocheux qui est isolé des alentours par de puissants bancs rocheux, une sorte d'île rocheuse au milieu de 12 collines qui vallonnent à l'intérieur de l'Anti-Atlas. Qu'est-ce qu'il en restait quand vous êtes arrivé sur le terrain ? Pour dire les choses de manière triviale, un tas de pierres. Comme tous les sites de montagne, les constructions sont entièrement réalisées en pierre et donc nous étions face à un immense tas d'éboulis. Mais les premiers vestiges, c'est-à-dire les premiers éléments de datation fournis par notamment la céramique, nous ont rapidement indiqué que nous étions bien en face d'un site médiéval, en tout cas. Après, il a fallu bien évidemment des prospections et des enquêtes supplémentaires de manière à nous assurer que le site pouvait correspondre à l'Iguilise des premiers Almohades qui était mentionné dans les textes d'époque médiévale. Jean-Pierre Van Stavel, je reviens sur cette idée. La population berbère savait l'importance du site déjà ? Ah oui, il y a une très grande tradition orale puissante, notamment chez les montagnards les plus âgés qui malheureusement tendent à disparaître. Nous avons vu ainsi plusieurs de nos amis montagnards disparaître donc durant la dernière décennie, des personnes qui conservaient une mémoire tout tout à fait impressionnante hein, de cette épopée almohade qui bien sûr entachée de nombreuses légendes. L'un des caractères les plus importants de ces légendes, c'est bien sûr le trésor d'Ibn Tumart qui mobilise les fantasmes et les rêves d'une partie de la population. Trésor que vous avez peut-être trouvé, on en reparlera après. L'histoire de la discipline fait qu'au Maroc, on ne parle pas d'archéologie médiévale, mais plutôt d'archéologie islamique. Oui, archéologie islamique, qui désigne non pas l'archéologie qui se spécialise dans l'étude de l'islam stricto sensu, mais qui concerne les pays dont les structures de pouvoir sont islamiques, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait travailler également sur des groupes confessionnels qui sont non musulmans, hein, mais à l'intérieur de ces pays musulmans. C'est une archéologie qui correspond à la fois à l'archéologie médiévale, mais également à la période moderne et contemporaine, bien entendu. Le poids de l'histoire doit être encore très lourd sur cette jeune archéologie. Arrive-t-elle pour autant à se dégager de son emprise ? Ça, c'est toute la question que nous connaissons bien pour l'avoir vécu dans les années 1960, encore avec la naissance de, ou l'affirmation plutôt, hein, de l'archéologie médiévale en France. Jean-Marie Peset, par exemple. Jean-Marie Peset, le doyen de Boire, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est une archéologie qui doit se battre finalement pour imposer l'idée que tout n'est pas écrit dans les textes, et qu'il nous faut également passer par le terrain pour pouvoir engranger des connaissances sur les sociétés du passé pour l'époque médiévale et bien entendu pour l'époque moderne également. Je pense notamment aux campagnes, par exemple, qui sont très mal connues par les textes. C'est-à-dire que le fait matériel a de l'importance et peut raconter autre chose que le texte. Oui, tout à fait. C'est l'archéologie médiévale, effectivement, dans tout pays, je crois, a gagné ses lettres de noblesse. C'est fait, finalement, en France. Mais dans le cas du Maghreb, il y a encore, je crois, quelques progrès à faire en la matière. Tout simplement parce qu'elle n'a peut-être pas encore fait la preuve de son utilité. Oui, je crois que le poids du texte est trop puissant. Je crois que les choses sont en train de changer. Elles sont en train de changer, notamment grâce au travail assidu de quelques collègues marocains médiévistes qui sont en charge à présent de grands sites et qui livrent à la communauté scientifique des résultats qui sont à proprement parler stupéfiants. Donc, je crois que là, l'archéologie médiévale au Maroc est en train de effectivement de gagner ses lettres de noblesse. Comment s'opère au Maroc l'islamisation ? Est-ce un phénomène, un mouvement brutal ou tout au contraire une chose tout à fait superficielle ? Bon, c'est un du moins à ses débuts, bien sûr. C'est un processus lent, c'est un processus graduel, bien entendu, qui va tout d'abord passer essentiellement par les villes, qui sont soit des villes héritées de la période pré-islamique, soit des villes qui sont revivifiées hein, par la présence musulmane, des villes qui vont finalement jouer le rôle de pôle d'arabisation, de pôle d'islamisation des pratiques, d'orientalisation, des mœurs, c'est-à-dire finalement des foyers d'acculturation, hein, tout d'abord bien sûr superficiels, mais qui vont peu à peu, effectivement, convertir notamment les élites. Ceci pour les villes. L'islamisation des campagnes, quant à elle, est très mal connue. La datation, à peu près, de cette islamisation, il faut quoi ? Un siècle, deux siècles, voire oui, plus ? Oui, il faut. Bon, cela dépend des. Les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord entre eux sur cette question. Je dirais que il faut. La période couvre finalement hein, le. On va du 8e au du 8e ou 10e siècle. Un géographe arabe nous parle encore pour le milieu du 11e siècle de tribus berbères du Haut Atlas qui vénère décapriné. Le processus d'une introduction d'une nouvelle religion est bien sûr toujours un phénomène extrêmement intéressant. Il s'opère ici par l'adhésion des élites. Oh oui, tout à fait. Oui, comme dans tout processus de conversion, le rôle des élites est absolument crucial. Hein, l'arabisation n'est pas simplement et l'islamisation ne sont pas des processus qui relèvent simplement d'une libre adhésion de l'ensemble des strates sociales de la population devant un message apporté par un petit groupe de conquérants. Jean-Pierre Van Stavel, j'ai souvenir d'être passé près de Fès sur le site de Moulay Idriss, site médiéval dégagé lors de la construction d'une autoroute. L'archéologie rurale, voire l'archéologie préventive, sont deux types de recherches très en marge des problématiques de l'archéologie. Oui, l'archéologie médiévale au Maroc se centre plutôt sur les villes pour des raisons évidentes qui sont déjà des raisons d'accès à des matériaux qui sont datables, hein, bien entendu. L'archéologie médiévale rurale, quant à elle, reste très en marge des problématiques. C'est une archéologie peu spectaculaire. C'est une archéologie qui pose bien sûr beaucoup de problèmes de datation et de fait, elle reste quelque peu à l'écart des grands mouvements, pourrait-on dire, des grands mouvements intellectuels à l'intérieur de cette archéologie marocaine, oui. Votre site serait un des premiers sites ruraux fouillés ? Alors, vous citiez à l'instant le site de Moulay Idriss, qui est un très bon exemple, un exemple pionnier en la matière. Il a été fouillé par notre collègue Ahmad El Tahiri, qui est d'ailleurs co-directeur de la mission Igiliz. Le site d'Igiliz peut être considéré, on va dire, parmi la première génération des grands sites ruraux d'époque médiévale à nous livrer des informations sur les sociétés du passé islamique, oui. C'est-à-dire que les grandes fouilles se font dans Fès, Marrakech ? Si c'était le cas, malheureusement, comme vous le savez, l'archéologie préventive ne se développe pas encore beaucoup dans l'ensemble des pays du Maghreb, à part quelques opérations spectaculaires. Il faut encore trouver un cadre législatif adéquat. Et effectivement, l'urbanisation galopante oblitère des pans entiers du patrimoine médiéval dans ces grandes villes du Maroc. Jean-Pierre Van Saval, vous travaillez à la fois sur un mouvement religieux, mais aussi tribal. Est-ce un choix délibéré de votre part ? Ah oui, c'est un choix délibéré qui est lié à mon histoire personnelle. Je voulais, au début de mes études, travailler sur l'Irlande et les mondes nordiques, donc des mondes finalement qui se situent à la marge des États. Cette configuration sociopolitique particulière m'a toujours attiré. Et lorsque j'ai repris le dossier des débuts de l'almohadisme, je me suis bien évidemment intéressé à Igiliz qui présentait justement de telles caractéristiques. Qu'est-ce que le mouvement Almohad ? Un mouvement révolutionnaire ? Alors c'est un mouvement révolutionnaire, effectivement, qui apparaît au début des années 1120 dans le sud du Maroc, dans les montagnes de l'Anti-Atlas. Le mouvement va rapidement gagner le Haut-Atlas et finalement, il va fédérer tout un ensemble de tribus berbères contre le pouvoir en place qui réside à l'époque à Marrakech, le pouvoir des Almoravides. Qu'est-ce qu'il prône exactement, ce courant ? Ce mouvement prône un retour aux sources, un retour au Coran, un retour à la tradition. Il prône surtout un dogme qui est celui de l'unicité divine, le tawhid, hein, un retour à l'absolue unicité de Dieu. C'est un mouvement qui est prôné par un personnage très célèbre dans l'histoire du Maroc, qui s'appelle Ibn Toumart, un théologien et juriste berbère, dont les textes nous indiquent qu'il aurait entamé des pérégrinations en Orient, notamment ramenant chez lui un savoir incommensurable. Bon, ceci relève peut-être de la légende, mais en tout cas, c'est un personnage qui va effectivement fédérer autour de lui tout un ensemble tribal qu'il va lancer contre l'État en place, celui des Almoravides. C'est une réforme radicale, bien sûr, dans les pratiques religieuses, mais aussi dans les mœurs. Oui, c'est une réforme qui est radicale, drastique. En tout cas, les textes la présentent comme telle. Hein. Et c'est une réforme qui va effectivement permettre de créer les conditions d'un rassemblement très important de ces tribus montagnardes. Alors, ce courant de pensée mobilise donc les tribus montagnardes berbères contre le pouvoir en place, les Almoravides. Qui sont-ils, ces Almoravides ? Alors, les Almoravides sont d'autres berbères qui sont venus un siècle plus tôt, à partir des années 1040, qui ont surgi du Sahara, le point d'origine du mouvement Almoravide, qui est déjà un mouvement de réforme religieuse, naît aux confins du Sénégal et du Sud Sahara. C'est un mouvement tribal qui se répand bientôt dans la moitié occidentale du Maghreb, qui s'empare également de la péninsule ibérique, ou en tout cas de la partie de la péninsule ibérique sous domination musulmane, et qui crée le premier des empires que l'on appelle les empires berbéro-andalous. L'empire almohade sera le second de ces grandes constructions étatiques, dont la capitale, créée par les Almoravides, est Marrakech. Ça deviendra même le plus grand empire du Maghreb. Ah, l'Empire almohade. Dans l'histoire du Maghreb, c'est un moment capital. C'est un moment capital puisque l'Empire almohade va parvenir à rassembler sous son autorité l'ensemble des terres de l'islam d'Occident, de la côte atlantique jusqu'à la limite occidentale de la Libye et, encore une fois, à l'Andalous, la péninsule ibérique sous domination islamique. C'est un empire qui va durer de 1147 à 1269. Nous nous plaçons, quant à nous, à Igiliz, dans les tout débuts du mouvement, au début des années 1120. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. À la tête du mouvement, un élément charismatique, mieux messianique, Ibn Tumart. Que sait-on exactement sur lui ? On sait déjà qu'il est Mahdi, réformateur de la fin des temps. C'est en tout cas... C'est un beau titre. Ah, c'est un très beau titre. C'est en tout cas comme cela que le présentent les textes qui sont rédigés à sa gloire. Bien entendu, les archéologues doivent prendre avec beaucoup de précautions et de recul critique cet ensemble de textes de nature hagiographique et apologétique. Mais c'est effectivement un personnage qu'on nous présente comme ayant une dimension véritablement messianique. Un mouvement dont on a pu dire qu'il avait également une portée presque apocalyptique. On est à un moment, finalement, de crise spirituelle dans le monde islamique occidental. C'est également durant le même moment que se développent les mouvements mystiques, les mouvements soufis, et la révolte almohade, qui bientôt devient une révolution, est tout à fait contemporaine d'autres mouvements de révolte, notamment animés par ces mystiques, ces soufis, justement, hein, à la fois au Maghreb extrême et en Al-Andalus. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que nous évoquons avec Jean-Pierre Van Stavel, professeur à l'Université de Paris-Sorbonne, le mouvement almohade et la découverte du site d'Igiliz, point de départ donc de cette révolution. Aujourd'hui, Abou Bakr al-Baghdadi est bien sûr sur toutes les lèvres. Le mouvement almohade et ses dévots guerriers peuvent-ils préfigurer les mouvements sectaires intégristes contemporains ? Une lecture très superficielle du mouvement almohade pourrait donner cette impression. Bon, bien entendu, le devoir de l'historien et de l'archéologue est de prendre justement là encore du recul par rapport à ces rapprochements qui finalement n'ont pas lieu d'être, bien entendu. Alors faut-il plutôt y voir notre bergère de Don Rémy ou carrément les assassins d'Alamout? Ah, les deux comparaisons là sont beaucoup plus pertinentes effectivement. La bergère de Don Rémy, oui, tout à fait, puisque Ibn Tumart finalement en tant que figure messianique va fédérer les tribus autour de lui de manière à délivrer le pays du joug des ennemis de l'État almoravide. Quant aux assassins dans leur célèbre forteresse d'Alamout en Iran, ils ont pu, peut-être, c'est une conjecture, constituer une sorte de modèle très lointain à un Ibn Tumart qui se serait promené dans des terres proche-orientales au début du XIIe siècle. Oui, parce que Igiliz, c'est un piton, un peu à l'image de cette fameuse cité d'Alaout. Oui, alors après, malheureusement... Le parallèle, vous avez raison, le parallèle, d'abord pour des raisons de contemporanéité entre les deux sites, bien évidemment, ces sites qui sont néanmoins très éloignés géographiquement l'un de l'autre, et les deux mouvements, celui des assassins et celui des almohades, n'ayant aucune relation historiquement avérée. Vous y voyez aussi Bernard de Clairvaux, Saint-Bernard, Bayard? Oui, je c'est bien de puiser dans notre propre histoire nationale. Oui, j'aime assez pour éviter justement les raccourcis et de finalement de comparer Ibn Tumart à Ben Laden. Je préfère quant à moi le comparer à l'un de ses contemporains, Saint Bernard, qui lui aussi finalement prônait un retour à une vie plus austère et une réforme des mœurs assez radicale. Je crois que la comparaison entre les deux mouvements, bien sûr comparaison n'est pas raison, est néanmoins assez stimulante. Que savait-on du point de départ de ce mouvement ? Que nous racontaient les textes sur la montagne d'Igiliz, oubliée de l'histoire ? Alors pourquoi oublier de l'histoire ? C'est un point important. Les textes, en effet, accordent une bien plus grande place à un autre site d'époque almohade, des débuts du mouvement, Tin Mahal, qui est bien connu des touristes qui, notamment, vont à Marrakech, puisque le site se trouve dans le Haut Atlas, à une centaine de kilomètres au sud de cette ville, qu'il est aisément accessible et qu'on y trouve des monuments tout à fait spectaculaires, dont une grande mosquée magnifique, qui date quant à elle du temps de l'Empire et non pas du temps des débuts du mouvement. Iglis a été très tôt marginalisé dans l'historiographie officielle pour des raisons politiques, tout simplement parce que les tribus locales se sont très rapidement révoltées contre le nouvel État en place. C'est paradoxal, mais c'est finalement l'histoire de toutes les révolutions hein, qui dévorent à la fois leurs enfants, mais également leurs parents. Ces tribus rétives à toute autorité émanant d'un pouvoir central se sont révoltées contre, effectivement, ce nouvel État dynastique en formation, dont pourtant elles avaient été à l'origine. Pourtant, un des compagnons d'Ibn Touma a rédigé un texte important, mais qui malgré tout est considéré avec prudence par les historiens. Pourquoi ? Oui, alors c'est un texte à la gloire du premier calife almohade, Abdelmoumine, qui est un disciple d'Ibn Toumart, qui bat les Almoravides, qui s'empare de Marrakech en 147 et instaure l'empire almohade. Ce texte est donc écrit dans une ambiance qui est celle finalement hein, d'une société de cour, de cour princière. Et bien évidemment, ce texte est tout à la gloire du nouveau souverain. Pour nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'essayer de voir au-delà du vernis lié à cette culture de cour, de voir les éléments qui peuvent correspondre à cette société berbère des origines, et notamment de voir toutes les indications, toutes les informations de type matériel qui sont susceptibles de rendre compte de l'aspect que pouvait avoir Iglis au début du mouvement. Justement, les textes décrivent-ils le site d'Iglis avec sa mosquée, sa casbah, ses citernes? Alors, on ne parle pas de la casbah que nous avons donc fouillée ces dernières années. Le monument le plus important du site, c'est une grotte. Une grotte dans laquelle, selon ces textes, Ibn Toumart serait réfugié au tout début du mouvement pour entamer sa prédication. Ce n'est pas là un hasard. Il se place ainsi dans la continuité du prophète Muhammad, qui s'était lui-même retiré dans une grotte aux alentours de la Mecque au moment du début de la révélation coranique. Hein. Et puis c'est également la pratique du refuge dans la grotte, c'est également une pratique bien attestée en milieu berbère, vraisemblablement de longue date. Des grottes, bien sûr, vous en avez fouillé, vous en avez trouvé, vous en avez fouillé. Est-ce que vous avez trouvé des traces de dévotion, justement ? Oui, alors c'est bien évidemment, nous considérons ces textes avec beaucoup de prudence dans la mesure où nous ne savons pas si, justement, ce parallèle avec le prophète Muhammad n'a pas été dressé après, justement, dans le cadre de la constitution de ces textes hagiographiques. Il reste à prouver, bien entendu, il resterait à prouver que Ibn Toumart s'est bien retiré dans une grotte telle qu'on nous le rapporte. Nous avons en effet fouillé plusieurs grottes entre guillemets, puisque ce sont des carrières à l'origine, hein, des abris sous roches, mais qui résultent en fait de l'extraction de marnes calcaires. Et nous avons trouvé effectivement des traces correspondant à la fois à une occupation de type domestique remontant au XIIe siècle, en tout cas pour l'une de ces deux grottes, et à des marques de dévotion plus tardives, datant de la fin du Moyen Âge, qui correspondent au maintien d'un culte sur place, d'un culte de santons. Nous avons même retrouvé une sépulture en position privilégiée sur le parvis de l'une de ces deux grottes, qui atteste justement ce type de pratique religieuse. Ce site d'Iglis est surtout un ribat, une notion quelque peu compliquée pour nous. Alors compliqué, oui, effectivement, c'est une institution qui est bien connue par les textes et qui correspond, dans les premiers siècles de l'islam, à deux types d'activités principales. D'une part, la retraite spirituelle, l'érémétisme éventuellement, le retrait du monde, d'une part. Et puis, d'autre part, une activité militaire, souvent liée à la guerre de frontières. Bon, ce n'est pas le cas à Iglis. Et puis, il faut voir dans le ribat un foyer d'islamisation, donc des campagnes. Et c'est en cela, effectivement, que Iglis nous intéresse tout particulièrement. En 2009, vous commencez des fouilles avec vos confrères marocains. Tout y est, les murailles, la casbah. Alors, tout y est. Il faut dire que nous ne savions pas trop ce à quoi nous attendre finalement. Nous avions dressé, bien sûr, un premier plan topographique, mais il restait encore, au moyen d'une fouille extensive, à tomber sur les niveaux d'occupation de l'époque médiévale, ce qui finalement a été le cas tout de suite, puisqu'en effet, une grande partie du site est abandonnée très vraisemblablement dès le XIIIe siècle, après la première effervescence l'agence Almohade. Nous avons donc dégagé dans les premières, durant les premières années de ces campagnes de fouilles, nous avons dégagé donc une casbah, ce que nous appelons une casbah, c'est-à-dire un lieu de résidence du pouvoir, hein. En tout cas, c'est l'acception aujourd'hui en langue marocaine moderne. Un complexe résidentiel à vocation domestique comprenant des pièces d'habitation, des annexes, mais également des pièces de réception, un ensemble de réception assez considérable qui atteste l'existence au sommet de la montagne d'une petite élite qui vivait quasi en autarcie à l'intérieur de ce grand ensemble doté d'une certaine monumentalité. Et puis, il y a bien sûr le lieu saint, le lieu de culte, la mosquée, 150 mètres carrés avec deux nefs en terre crue. Oui, alors une mosquée qui ne cesse de poser question à un certain nombre de spécialistes de l'architecture religieuse islamique plus habitués aux mosquées urbaines, puisqu'en effet le type de plan de cet édifice est assez singulier. Il s'agit d'un édifice de plan barlon qui ne correspond pas à ces grandes salles hypostyles dont nous avons l'habitude dans les grands sanctuaires de la période médiévale au Maghreb et ailleurs. C'est un type de plan que l'on rencontre par contre, et c'est un point extrêmement intéressant pour nous, que l'on rencontre dans les lieux de ribat ailleurs, dans l'Occident musulman, qu'il s'agisse de ces fortins qui sont établis sur le littoral tunisien, ou de lieux de ribat assez semblables que l'on rencontre dans la péninsule ibérique, en Al-Andalus, à l'époque médiévale. Jean-Pierre Van Savel, pouvez-vous reconstituer la vie quotidienne de ces dévots guerriers au cœur de leur forteresse ? C'est une tâche effectivement qui nous incombe et nous tâchons nous essayons de la mener à bien, notamment au moyen d'une approche qui conjugue à la fois l'étude du mobilier. Un mobilier, nous avons cette chance là, un mobilier qui est abondant, qui est lié à un horizon d'abandon qui est considérable. Les habitants sont souvent partis en laissant sur place ce mobilier. Armes, monnaie. Tout ce genre de choses. Alors, armes, peu de monnaies, des monnaies qui pour l'essentiel résultent vraisemblablement des premières luttes contre les Almoravides, faites assez parlant, illustrant la très rapide marginalisation du site. On ne trouve pas, tout au moins c'est le cas jusqu'à présent, de monnaies de l'époque almohade, c'est-à-dire de monnaies émises par l'Empire almohade. Les seules monnaies que nous avons sur le site sont des monnaies qui sont frappées durant les années 1130, par le pouvoir ennemi, par le pouvoir des Almoravides. Et puis donc des armes et des objets de dévotion liés bien sûr à ces religieux guerriers. Les deux sont associés. Alors, tout le problème de l'archéologie, c'est de pouvoir déterminer ce qui relèverait d'un habitat de type érémitique et d'un habitat de paysans ou d'éleveurs. Il est assez difficile pour le moment de faire la part entre les deux. Nous avons en tout cas de très bons indicateurs à présent concernant le système agropastoral grâce aux travaux qui sont menés par nos collègues du CNRS, Marie-Pierre Ruas, au premier chef, qui travaille justement sur les reliefs alimentaires, qui travaille également en archéozoologie à présent. Nous avons des traces d'un rituel de banquet communautaire qui atteste donc de l'existence de cette pratique bien attestée en milieu tribal qui sert à renforcer les liens entre différents lignages dans le cadre justement de ces grands mouvements d'ensemble. Tribaux. Jean-Pierre Van Savel, en conclusion, Igiliz est un lieu capital pour l'histoire du Maroc, mais aussi le témoignage d'un moment clé pour l'anthropologie, ce moment où la tribu entrevoit la perspective de l'État, la manière dont l'État vient à la tribu. Oui, c'est une question essentielle. C'est la question que se posait Ibn Khaldoun, le grand historien maghrébin, qui au XIVe siècle avait justement pris l'exemple de la naissance de l'Empire almohade pour illustrer sa conception de l'évolution du pouvoir en terre d'islam. Le site d'Igiliz est absolument fondamental pour comprendre finalement comment l'État vient à la tribu, comment l'État finalement Et dans ce cadre d'Igiliz, un processus endogène qui n'est pas importé, mais qui est sécrété par le milieu tribal. Jean-Pierre Van Savel, merci beaucoup. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Michel Maistre, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, où retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le Salon Noir se consacre à une autre mission française, celle œuvrant dans le désert oriental à la recherche de l'or d'Égypte.